C'est génial pour les questions. Je vais lire seulement ceux qui sont écrits ce côté-ci. Alors, ça va aller vite. Il y a un rusé ici. Bon. L'homme se fait-il manipuler de A à Z? De A à Z plus tous les chiffres qu'il pourrait suivre. C'est, la manipulation, c'est une chose qui est extrêmement pénible à comprendre pour l'ego, parce que l'ego est convaincu qu'il a un libre arbitre. Maintenant, l'homme n'a pas de libre arbitre. Il n'en a pas le moindre, il a seulement l'illusion d'en avoir un. C'est un phénomène sur lequel je reviens souvent en séminaire, et même là, des fois, ça me prend la journée au complet, pour arriver à faire en sorte que les personnes qui sont là puissent arriver à bien saisir, à vibrer, à comprendre, sans souffrance. L'humain refuse l'idée qu'il n'y a pas de libre-arbitre parce que ça fait trop souffrir son ego, son orgueil. Et lorsque la personne comprend cela, eh bien, il y a déjà une partie de sa conscience qui peut commencer à envisager la vie ou le monde sous une facette plus réaliste, plutôt que sous une facette de vérité, coloration de la réalité, ou sous une facette du mensonge, coloration de la vérité. Il n'y a pas de libre-arbitre, donc l'homme, la femme, l'enfant est manipulé de A aller jusqu'à... Bref, il n'y a pas de libre-arbitre. Je ne veux pas en parler ce soir, j'ai fait quelques conférences là-dessus. Vous voyez comment ça se passe? Alors l'homme n'a pas de libre-arbitre, n'est-ce pas? Et dans le séminaire, eh bien, une grosse partie du séminaire passe justement à travers ce phénomène. Quelle différence fais-tu entre se rappeler, se souvenir et se remémorer? Se remémorer, parce qu'effectivement, c'est intéressant de parler avec les mots, de raffiner les mots. Il n'y a aucun synonyme dans la langue française qui veut dire la même chose. Se remémorer, c'est lorsque l'on veut faire un travail pour aller fouiller dans la mémoire. Se souvenir, c'est bien souvent lorsque ça revient tout seul. Comme ça, un vomissement qui n'est pas demandé. Et se rappeler, c'est normalement lorsqu'il y aura une stimulation et la chose va revenir. Ça peut être des définitions des mots. Comment oublier tout en restant conscient? Comment oublier tout en restant conscient? Ça c'est génial. Celui qui se rappelle, il a conscience de se rappeler. S'il a conscience de se rappeler, c'est que la conscience n'a foutrement rien à voir avec le fait qu'il se rappelle. Si la conscience était se rappeler, on ne pourrait pas prendre conscience que l'on se rappelle. Mais étant donné que l'homme est capable de prendre conscience qu'il se rappelle, comme l'homme est capable de prendre conscience qu'il pense, et c'est pourquoi je dis que l'homme ne pense pas, il pense qu'il pense. C'est une manipulation. On pense dans sa tête. Et au lieu de lui dire « marche », on lui dit « je marche ». Et là, il le fait, le cave. L'homme a la faculté de prendre conscience qu'il pense, donc ce n'est pas lui qui pense. Il a la faculté de prendre conscience qu'il se rappelle. Ce n'est donc pas lui qui se rappelle. Alors, si on ne se rappelle pas, pouvons-nous être conscient? Pensez à rien. Vous serez conscient que vous ne pensez à rien. Donc, en partant, la mémoire n'est pas nécessaire. Comment oublier tout en restant conscient? Ben, oubliez. Vous allez rester conscient. Je suis conscient de rendez-vous, je suis souvent en retard. Je ne suis pas conscient de rendez-vous. Lorsque moi, j'ai des rendez-vous à faire, je les oublie. Et lorsque c'est le temps que je parte, eh bien, je sais, je pars. Mais je suis conscient que je démarche dans un continuum de temps. Je suis limité à l'autre, parce que c'est l'autre qui est le problème, dans mon cas. Et je m'en vais vers un rendez-vous. Et lui ne peut pas jouer dans le temps, comme on peut jouer dans le temps. Alors, je dois m'ajuster à son rendez-vous à lui. Sinon, il ne comprendra pas qu'à ma montre, ça fasse 10 heures, quand la sienne, ça fait 4 heures. Bon. Et je m'arrange pour y aller. Je ne suis jamais en retard, je suis même souvent en avance. Il y a une chose qui est très, très importante aussi, c'est qu'au niveau de la conscientisation, lentement, l'homme finit par avoir suffisamment de temps. Dans tant qu'on est mémoriel, le temps, c'est une quantité d'espace. Et nécessairement, plus on vit à partir du temps, plus on vit à partir de la mémoire, moins on a d'espace. En réalité, Plus on vit à partir de la mémoire, moins on a de temps. Et on peut remarquer qu'aujourd'hui, plus l'humain a la faculté de vivre de l'expérience qu'on n'avait pas dans le passé, plus l'humain vit longtemps aussi, plus l'humain accumule de la mémoire, plus il accumule de la mémoire, plus l'humain est pressé, moins il a le temps. Son rendez-vous, il est toujours en retard, la preuve que la conscience de la mémoire ne change rien, est en retard pareil. Par contre, il y a d'autres personnes qu'est-ce qu'ils font, les autres personnes? Eh bien, ils ne passent pas à leur rendez-vous, et subitement, « Ah, il est 3 heures, ah oui, bon, ben, j'ai rien qui s'en va. » Puis il y en a un autre qui va y penser, l'écrire, mettre le cadran, puis il va de toute façon arriver en retard. Bon, alors, le phénomène de la mémoire n'a rien à voir là-dedans. Il y a des programmations, ce ne sont pas des mémoires conscientes, la programmation, et elle ne vient pas nuire à l'identification. On peut apprendre, on peut programmer le corps physique, ce n'est pas une mémoire amique, ce n'est pas une mémoire de l'âme. À conduire une automobile, ce qui libère notre conscience. Alors, si j'ai un rendez-vous, moi, lorsque je me couche, je mets un cadran de temps en temps pour le fun, mais j'éteins le cadran avant qu'il sonne. Parce que on peut programmer, on peut créer des mémoires d'intervention. Comment vivre avec un enfant ancien et l'éduquer? Je veux savoir les points importants. La personne, elle veut surtout, dans ma réponse, que j'accrédite sans doute le fait qu'elle ne se considère pas comme étant une personne ancienne. Et c'est pourquoi elle dit comment vivre avec un enfant ancien. Lorsqu'on est ancien, il n'y a pas de problème avec un enfant ancien. Et l'éduquer. Je ne peux pas répondre à la question-là. Tout à l'heure, je vais être en bas. Alors, ceux qui veulent finir leur café, là, s'il n'est pas trop froid, vous pourrez descendre en bas pour faire une petite causette. Et c'est important, lorsque l'on parle d'enfant, que je connaisse l'âge de l'enfant. Quand on est en état d'inidentification, peut-on faire une courbe à notre destin? Faisant référence à une des conférences que j'ai faites dernièrement. Il est bien évident que lorsque la personne est dans une phase d'inidentification, elle agglomère l'avenir et le passé vers elle, ce qui fait que nécessairement, elle devient une forme de Melchisedec, un coupeur de temps. Courbeur d'espace, et elle court. On peut se référer à la conférence sur les hommes miracles. Qu'arrive-t-il si les cellules du corps ne se souviennent plus de leur forme? On appelle cela la mort. Ils perdent leur forme. Mère, elle s'évanouissait parce qu'elle sentait qu'elle se confondait à tout autour. Lorsque l'on parle de mère, on fait référence à la femme de Aurobindo. Un bonhomme qui a vécu près de Pondichéry, aux Indes. Mère avait un problème dans son évolution, c'est que la génétique de sa race n'était pas suffisamment solide pour soutenir une conscience supramentale. Alors, nécessairement, elle avait continuellement une perte d'énergie vitale qui faisait en sorte que cette énergie vitale, qui est la vie et qui est le conservateur de la mémoire de la molécularisation physique, du corps physique, lorsque la vie quitte le corps pourrit. Alors, mère, elle avait un problème, c'est que cette énergie vitale, elle avait toujours une tendance à vouloir fuir, pour la simple raison qu'elle était complètement écrasée par l'ego, qui lui essayait de fuir sous le poids du contact avec sa propre intelligence, ce qu'on appelle le plan supramental. Alors, lorsque mère vivait ce problème, il y avait une espèce de rayonnement, c'est-à-dire de transpiration d'énergie vitale, et l'énergie vitale étant dans le plan moronciel, un monde parallèle au nôtre, mélangée avec l'énergie vitale de l'extérieur, elle pouvait, par sentiment, perception sensible, et non pas par émotivisation, elle pouvait percevoir, du point de vue de la conscience de l'ego, quel était l'extérieur. Lorsque mère est décédée, c'est-à-dire qu'elle a quitté son corps physique, parce que le corps physique était un problème, et elle aurait pu, si elle aurait pu conserver son corps physique, parvenir à un état d'observation tout à fait inidentifié qui lui aurait permis de boire l'événement, de boire la forme. Alors, lorsqu'elle aurait vu un oiseau, elle aurait été l'oiseau tout en étant elle. Ce qui fait qu'elle aurait, dans cette observation, elle aurait vu la disparition de la chose observée, ainsi que de sa propre conscience mémorielle qui observe. Donc, elle aurait observé un oiseau sans savoir qu'elle observe un oiseau. Autrement dit, elle aurait été un oiseau. C'est là la nuance. Lorsque l'être humain observe quelque chose, il sait qu'il observe la chose, et nécessairement, parce qu'il sait qu'il observe, il n'est pas la chose. Et on va dire, oui, mais je ne peux pas devenir un oiseau. Il est question de conscience. Vous aviez bien fini par accepter d'être des corps, apparemment humains. Alors, c'est la même chose. C'est parce que l'homme n'a pas l'idée que sa conscience peut voyager, parce que la conscience s'est restée figée dans une mémorisation très identifiée qu'est le corps physique. Lorsque vous dormez, votre conscience s'en va flotter ailleurs. Lorsque nous dormons, Il y a deux parties chez nous extrêmement intéressantes au niveau de la constitution du périsprit de l'âme. Lorsque nous dormons, nous rêvons de l'avenir et nous rêvons du passé. Et la conscience se promène lorsqu'elle veut. On appelle cela une extra-conscientisation astrale. Certains appellent cela un voyage astral. Le terme est un peu faux. Et la personne, elle rêve les deux côtés. Et parce qu'elle mélange les deux, lorsqu'elle se réveille, elle se rappelle ou ne se rappelle pas, mais ce qu'elle a vécu semble à peu près disparaître. La conscience se promène. Mère, elle avait ce problème, c'est que la génétique de son corps était trop faible pour pouvoir contenir le poids d'un contact supramental. Ce qui, dans la majorité des cas actuels, surtout du contexte nord planétaire et surtout du contexte bouclier canadien, le Québec est dessus, les corps physiques sont génétiquement suffisamment solides maintenant pour soutenir un contact supramental. Un contact supramental amène à l'homme la possibilité de voir du neuf, et la possibilité de voir du neuf nécessairement vient rendre tout à fait stérile toute la tradition et tout le phénomène mémoriel. On en a parlé dernièrement, encore une fois, dans la conférence sur les hommes miracles. Si l'homme est sur Terre pour ramasser les mémoires, il est sur Terre pour les ramasser, pas pour être instantané. Qui va ramasser les mémoires s'il devient instantané? L'homme est sur Terre pas pour ramasser les mémoires. Non. L'homme est de la mémoire. La conscience qui habite l'homme, elle est elle, dans l'homme, dans la mémoire, pour obliger le cheminement du phénomène mémoriel de façon à ce que le temps passé puisse venir s'enclencher dans le temps à venir, de façon à ce que la mémoire finisse par devenir quelque chose d'instantané. Qu'arrive-t-il si l'homme devient instantané? Nécessairement, tout à l'heure, on l'a vu lors de des questions du début, il devient un courbeur de temps, un courbeur d'espace, un Melchisedec, et nécessairement, l'avenir et le passé, faisant partie d'une conception d'existence totale, il vient dans un instant canéité d'agglomérer le futur et le passé. Alors, il a réglé son problème. Bon, même en t'identifiant et arriver à dire « je suis », quand on dit « je suis », on est identifié. Je m'identifie à la conscience suprême. Comment inidentifier la conscience suprême? Eh bien, la personne, en acceptant égoïquement d'abdiquer son identification personnelle, orgueilleuse, humaine, mémorielle, planétaire, collective ou individuelle du point de vue d'une conscience d'évolution spirituelle, elle s'identifie par contre à un processus plutôt cosmique, soit divin, soit cosmique, soit nirvanique, soit de l'intelligence supraconsciente. Et ça revient encore au même, on s'identifie à quelque chose. L'homme doit se contenter simplement d'être, sans savoir qu'il est. Et savoir que nous sommes, c'est être capable de jouir de par notre mémoire, de par les photos que nous avons été. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'âme étant quelque chose qui marche dans la neige et qui ne peut pas se connaître, il regarde les traces. Et regardant les traces, il dit « je suis ». Parce qu'il voit les traces. C'est ça, ne pas être. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tous les humains de la planète marchent maintenant en reculant. Comme ça, ils voient les traces. Puis là, ils disent « je suis ». Et après ça, ils se plaignent de jamais savoir où ils vont. C'est bien évident. On regarde le passé, et à partir du passé, on se dit, là-bas, ça doit être telle chose, à toutes les 15 pas, je me frappe quelque chose. Paf! 15! Je savais. Puis là, on continue. Il y a un problème là-dedans. Et étant donné que l'être humain ne peut pas, comme tout à l'heure on posait la question, ne semble pas pouvoir conscientiser qu'il restera conscient, même sans sa mémoire, nécessairement, il vit à partir de cette mémoire. Et c'est ce qui va arriver lorsqu'une personne va dire « je m'identifie à des consciences spirituelles, à des consciences divines ou à des choses comme ça ». C'est encore une fois, elle s'identifie à un concept. Qu'est-ce que c'est Dieu? Dieu est une créature créée par l'homme à l'image et à la ressemblance de l'homme. S'identifier dans Dieu, c'est s'identifier dans l'homme. Alors l'homme va dire « non, non, Dieu, c'est celui qui a créé tout l'univers ». Alors, il reste où, Dieu? Est-ce qu'il est dedans ou dehors? La personne, elle va dire, ben, il est dehors. Mais les dehors n'existent pas. L'univers est fini, il n'a pas de limite. Alors, comment la personne peut-elle arriver à conscientiser, à s'identifier dans quelque chose qu'elle n'a jamais connu? À quelque chose qu'elle n'a jamais expérimenté? La seule façon d'expérimenter un phénomène de conscience supramentale, donc de conscience créationnelle, c'est par le biais d'un ajusteur de pensée. Mais l'humain n'a pas conscientisé mémoriellement l'ajusteur de pensée, donc l'humain le personnifie, encore une fois, en se trompant. La personne qui s'identifie à quoi que ce soit ne s'identifie qu'à des mémoires. Je m'identifie à Superman. Ah, tu voilà, si tu l'as vu, Superman. Mais avant qu'on l'invente, puis quand on l'a inventé, on ne l'a pas créé tel qu'il est. Hein? Et non, c'était bien, bien différent. C'est comme le Père Noël. Avant que la compagnie Coke invente le Père Noël que nous connaissons, il y a eu plusieurs autres petits phénomènes avant. On n'arrive pas à inventer quelque chose de neuf. C'est toujours une transformation du vieux. Lorsque la personne s'identifie à quoi que ce soit, l'identification peut être de temps en temps un phénomène intéressant lorsque nous sommes dans une phase où nous voulons instruire notre ego. Il y a sur la planète Terre, dans le contexte du monde de la mort et un peu au niveau de l'extra-monde de la mort, donc d'un phénomène extraterrestre. Je ne parle pas de petits bonhommes verts antennes, là. Je parle des bruns, pas d'antennes. Bon. Ce phénomène extraterrestre, il y a ce qu'on appelle des êtres contrôle, qui, eux, sont des mécanicités énergétiques qui ont comme fonction de gérer tout ce qui, du point de vue de la réincarnation, donc du monde de la mort, va pénétrer l'homme de façon à constituer la mécanicité amique qui est demandée. Lorsque l'être humain arrive à instruire son ego de certaines façons, il peut tendre à devenir quelque chose qui ressemble à un être contrôle, c'est-à-dire qu'il pourra tendre à forcer les êtres contrôle à envoyer des personnalités réincarnatives mémorielles chez eux, parce que ça se réincarne 24 heures sur 24 chez nous, et au lieu de se réincarner d'une façon très aléatoire, c'est-à-dire en fonction d'un plan de naissance, d'un maudit plan idiot de naissance, eh bien l'être humain peut lentement transiger avec les êtres contrôle pour lentement devenir le manipulateur du manipulateur, et il devient un peu un être contrôle. On va y revenir la semaine prochaine. Mais lorsque l'être humain arrive à faire ceci, l'identification que l'ego a besoin, on va l'orchestrer de façon à ce que ça ne nuise plus. Mais l'identification de la conscience de l'homme, elle, ne doit jamais, jamais, jamais être existentielle. C'est-à-dire, la conscience de l'homme ne doit jamais s'identifier ni à un Dieu, parce que le Dieu, il est mémoriel, il a été archétypalement créé. On a l'idée, on a appris, on a pu changer ce qu'on a appris. Mais ce n'est pas neuf. Ce n'est pas du neuf, ce n'est pas de l'instantané. La conscience de l'homme ne doit jamais, jamais s'identifier. Parce que nécessairement, elle accepte de vivre le processus des créatures du temps, l'homme, et elle devra passer les milliers d'années qui l'attendent en avant d'elle pour pouvoir récupérer sa mémoire. Alors qu'il y a d'autres processus plus intéressants, celui où nous finalisons plus rapidement certaines choses. L'humanité, elle est régie par l'évolution des avatars, elle est régie par l'évolution de ceux qui tracent les chemins de l'oubli, et ça, c'est l'évolution spirituelle des masses. Et il y a l'individu qui, lui, vit une autre forme de transformation, d'amélioration, qui lui permet d'échapper plus radicalement au phénomène de l'évolution des créatures du temps, donc des mémoires de l'homme. On ne s'identifie jamais ni à Dieu, ni à quoi que ce soit du point de vue de la conscience. Les personnes qui sont malades mentales, ce n'est pas le mental qui est malade, c'est la psychologie, c'est l'astral, on dit mental, et des entités qui les possèdent, on est continuellement possédés. Tous les humains de la planète Terre sont possédés. Vous avez une conscience qui ne peut pas s'exprimer énormément parce que la génétique physique l'interdit. À travers l'évolution améliorative de la vie, la génétique change, c'est-à-dire que l'homme cellularise son évolution réelle, et lentement, la conscience tend à s'exprimer de plus en plus. Mais elle entre en lutte contre l'âme et contre, donc, les phénomènes de la mémoire. Une personne qui on est possédé continuellement, c'est-à-dire que nous nous levons le matin, nous sommes joyeux, 5 minutes après, nous sommes maussades, 1 demi-heure après, on s'ennuie, on est continuellement confronté à vivre chez nous différentes formes de personnalités qui viennent s'exprimer, et nous allons finir par dire, « Ah oui, mais ça fait 15 ans, je suis de même, je suis fait de même. » Non, non, non, c'est qu'il y a un phénomène mémoriel qui possède l'humain, possède la conscience de l'homme. Ça devient pathologique lorsque ce qui possède l'humain n'entre plus en affinité avec tout ce qui se passe dans la normalité, dans la société. Alors, une personne qui souffre de maladie mentale, si c'est une maladie mentale qui normalement vient après la naissance, ce sera une possession dans la majorité des cas, sauf évidemment les traumatismes. Et si la personne a une génétique ou encore un cerveau, un système endocrinien suite à la naissance qui n'est pas convenable, et nécessairement elle pourra subir, souffrir de problèmes mentaux. Et là, les personnalités réincarnatives, ce sont des personnalités, des mémoires qui sont bien ajustées avec ce corps physique, donc personne n'en souffre, à part évidemment le voisinage qui s'identifie à de l'intelligence humaine et qui souffre de voir que tout le monde n'y a pas droit. Bon, d'ailleurs, une chance que ça existe, le terme maladie mentale, comme ça, on peut au moins parler de nos députés. Oui? Comment ne pas désirer? Comment ne pas désirer? Mm-hmm. Voilà, ta question, elle est déjà une question de désir. Et ça crée déjà un problème. La personne désire ne pas désirer. C'est facile de ne pas désirer, il suffit de ne pas désirer. Le problème, c'est que l'humain va dire, si je désire pas, je fais quoi? Est-ce que tu as faim? Oui, mange. Ah oui, mais si je mange, parce que je désire manger? Non. Non. Il y a le sentiment qui va faire vivre l'homme. Et il y a la mémoire qui va engendrer l'émotion. Et l'émotion, lorsqu'elle est mal nourrie, engendre le désir. Oui, mais si on n'aurait pas désiré soigner le sida, pas question de désir là-dedans. C'est une question d'intelligence. Mais si on n'aurait pas désiré se chauffer et bâtir des belles maisons, non. Quand tu as froid, tu te réchauffes. Pas question de désir. Quand tu as chaud, tu vas avoir plus chaud. Question de désir. Et finalement, tu as tout puis tu chiales encore. Parce que là, tu es trop habitué à désirer des choses. Alors, comment faire pour ne pas désirer? Je ne peux pas répondre là parce que ce serait très, très, très long. Mais il est bien évident qu'une personne qui cesse de s'identifier à un paquet de choses ou à ses concepts ou à ses mémoires, nécessairement va cesser de désirer. Pourquoi désirer avoir une augmentation? Bien, c'est parce que j'arrive plus à arriver. Au moins, ça t'arrive à faire. Alors, vu que j'arrive plus à arriver, je désire une augmentation. C'est faux. Tu as besoin de plus d'argent parce que tu n'arrives pas. Tu n'as pas besoin de désir pour ça. Par contre, étant donné que l'humain ne fonctionne pas par une logique écologique, il va souffrir. Et parce qu'il souffre de ne pas arriver, lentement, ça va stimuler son ego émotif, mémoriel, c'est pourquoi ça prend du temps à l'homme avant d'agir, parce qu'il faut que ça soit mijoté au niveau des mémoires, et par la suite, il désirera s'en sortir. Mais c'est pas nécessaire d'attendre jusque-là. Mais le désir, je ne peux pas répondre clairement dans une conférence dans la période de questions. À un moment donné, on pourrait revenir, en séminaire, j'en parle, mais on pourrait aussi revenir à un moment donné, c'est une conférence complète là-dessus. Voilà. L'inidentification fait-elle partie d'une autre dimension? L'inidentification, lorsqu'elle est totale et complète, désajuste complètement les 13 dimensions de la création qui se sont marinées, fusionnées dans 4 dimensions que nous connaissons, la hauteur, la largeur, la longueur et le temps. Une petite expérience intéressante pour bien comprendre que lorsque je parle de l'existence totale, que cela se peut. L'existence totale veut dire que nous sommes capables, dans un instant, de voir l'avenir, le passé et le présent. Et c'est faisable. Même au niveau du plan de la matière, on peut retrouver des exemples. Prenons un exemple. Vous êtes en train de... Vous êtes dans un automobile et vous circulez le long d'une rue. Vous virez un coin et là, vous rencontrez un piéton, un autre automobile. Vous continuez à avancer et vous arrivez devant une maison où une femme lave les carreaux. Vous continuez à avancer et vous arrivez à côté d'un camion du Bell Canada. Bon, et en avant, il y a d'autres choses que vous ne voyez pas encore. Maintenant, si une personne est placée sur un toit, elle est capable de regarder en bas et elle verra votre passé, votre avenir et votre présent. Et elle verra en même temps ce qui vous attend et ce que vous avez passé. Tandis que pour vous, c'est du passé. Et ce qui n'est pas arrivé à vos yeux est de l'avenir. Par contre, la personne qui est là, elle voit tout d'une claque. Elle est capable d'englober votre passé, votre futur, très localisé. Mais n'empêche que pour l'individu qui est en bas, il ne sait pas ce qu'il attend. Le reste est dans sa tête mémorielle. La personne qui est en haut, elle peut tout voir. Et c'est ce qui arrive lorsqu'une personne est capable d'avoir une conscience suffisamment instantanée. Elle englobe une mécanicité qui, pour l'humain qui a une conscience très localisée, va être temporelle. Une identification fait-elle partie d'une autre dimension? Donc, j'ai expliqué, si oui, on ne peut la vivre sur Terre dans notre corps, il n'y a aucun problème. L'inidentification, elle amène tout ce qui est mémoriel et nécessairement, elle pourra régir la mémoire du corps physique. On mélange souvent les choses, c'est-à-dire qu'on pense que le corps est une chose qui est d'une structure dimensionnelle différente du reste. Il y a des mondes parallèles à travers ces dimensions. Bon, à un moment donné, on reviendra sur ces mondes parallèles. Il y en a une multitude. Et l'homme qui se désassujettit des dimensions spatio-temporelles a toujours en lui la faculté de reconditionner les quatre dimensions que nous connaissons actuellement parce qu'il les manipule, il a la réaction, donc la gestion des 13 dimensions créationnelles. Vous dites qu'il faut se désassujettir de la mémoire, mais pourtant, on ne peut fonctionner sans la mémoire. Il faut, pour que l'être humain puisse fonctionner sans la mémoire, qu'il ait accès instantanément à une conscience instantanée, c'est-à-dire à une intelligence active. Cela veut dire que l'humain, lorsqu'il a un contact bien ajusté avec son intelligence, a accès à un savoir qui lui donne tout ce qu'il a besoin de savoir lorsque c'est nécessaire qu'il le sache. Donc, il ne se rappelle pas ce qu'il a su et il n'a pas besoin de savoir d'avance. Ce n'est pas nécessaire qu'il le sache. La personne qui perd la mémoire, c'est autre chose. Une personne qui perd la mémoire sans guérir la conscience devient un être vivant mort, un zombie, un mort vivant. La personne qui atteint une conscience et qui perd la mémoire, bien, elle ne s'en rappelle pas. Puis, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a besoin d'agir, elle agit. Depuis près de 4 ans, je donne des conférences et quelles que soient les questions, quels que soient les sujets, je fais des conférences et jamais je ne les prépare. Je donne des conférences à bien des places, j'anime des émissions de radio, des émissions de télévision, j'écris des livres, je fais plein de choses. Lorsque je voyage, je sais toujours où je vais, même si je n'y ai jamais été. Je n'ai pas besoin de me documenter. Et ça, l'humain a accès à cette possibilité de savoir instantanément. Le papillon arrive à trouver son chemin, puis lui-même a besoin d'une carte, même là, il ne se rappelle pas ce qu'il l'a mis. Alors, il faut bien faire attention, parce que l'homme a la faculté apparemment consciente de l'identification, c'est-à-dire que l'être humain s'identifie à la conscience, que les animaux n'ont pas. Dans l'expression d'un phénomène instinctif, l'humain est pas mal plus mal en point. Alors, la mémoire, tant qu'on n'a pas une conscience instantanée, la mémoire, elle est utile. La mémoire de où je reste. Pas la mémoire de ce que tu m'as fait. La mémoire de où j'ai mis ma viande dans le frigidaire, oui. Pas la mémoire que, merde, j'ai déjà eu de meilleur que ça. La mémoire que lorsqu'il pleut, ça mouille, oui. Pas la mémoire que, merde, je pourrais pas aller skier. Il y a la mémoire événementielle, c'est la dernière qu'on doit abandonner, mais la mémoire émotive, elle doit décoller au plus vite. Oui? Daniel, est-ce que tu pourrais parler de ce qu'est l'ajusteur de pensée, s'il vous plaît? Bon, je vais en parler très brièvement parce que j'en ai parlé dans les dernières conférences. J'ai fait quelques conférences sur l'ajusteur de pensée, ce qui fait que je ne veux pas trop revenir là-dessus. Et c'est un phénomène qu'on maîtrise énormément lorsqu'on peut en parler quelques heures de temps. Je reviens souvent sur l'idée du séminaire parce qu'il faut qu'on comprenne une chose. C'est que je fais des conférences, je donne aussi un séminaire qui dure 2 jours. Les personnes qui viennent m'écouter en conférence depuis 10, 11 ou 12 semaines, bien, ce serait peut-être intéressant qu'ils fassent un séminaire. Comme ça, ils n'auraient peut-être pas besoin de revenir me réécouter comme ça continuellement. À moins, évidemment, qu'ils veulent s'abonner pour 1 an ou 1 an et demi. Les personnes qui font le séminaire ont accès à des conférences spéciales qui durent 3 ou 4 heures, une fois par mois, sur d'autres sujets. On fait d'autres choses. Mais une chose qui est certaine, c'est que la personne qui vient en conférence, dans le but de ramasser des bribes de ce qu'elle a besoin, lorsqu'elle fait le séminaire, elle pose ses questions. Direct, pas sur papier, là, sinon jase. Alors la personne, elle comprend un peu plus. Quand on parle de l'ajusteur de pensée, je donne une définition comme ça, là, grosso modo, mais à un moment donné, c'est quelque chose que l'humain doit arriver à vibrer. L'ajusteur de pensée, de premier abord, c'est un concept. Donc, c'est quelque chose d'illusoire dans la majorité des perceptions de l'homme. Mais l'ajusteur de pensée, c'est un phénomène énergétique qui va être généré par une polymérisation, c'est-à-dire une mutation, une transformation du système atomique des neurones. Et lentement, ça va engendrer une expression énergétique nouvelle. Et qu'est-ce que ça fait? Ça agit exactement comme un diaphragme. Plus s'il y a trop d'énergie qui rentre, il se ferme, préservant l'intégrité du cerveau, donc nécessairement du système corporel de l'homme. Et étant donné que l'âme lit dans le système corporel, ça préserve en même temps l'information qui parvient à l'ego, donc à l'âme. La personne qui pose une question, elle a déjà un contact inconscient, possiblement avec un ajusteur de pensée, parce que l'ajusteur de pensée vient ajuster la manipulation qu'est la pensée, le retour mémoriel dans la conscience. Cette manipulation-là, elle vient l'ajuster de façon à ce que cela néotype le défilement de la pensée et engendre une question neuve. Les questions apprises ne font pas partie du processus de l'ajusteur de pensée. Et à la longue, l'individu va même arriver à avoir des réponses. Et là, il est bon qu'il soit informé du point de vue de l'ego, parce que l'ego va refuser les réponses, se disant, « Voyons donc, qui c'est que je suis, moi? » Bon. Et toi, t'es rien, c'est pour toi qui parle non plus, c'est un ajusteur de pensée. Mais l'ajusteur de pensée ne parle pas dans la tête de l'humain. L'ajusteur de pensée ajuste ce que l'humain parle dans sa tête, ou ce que l'humain pense dans sa tête, ou ce que l'humain parle d'une façon orale. L'ajusteur de pensée, c'est ce qui naît entre le contact du plan mental de l'homme. Le plan mental de l'homme, c'est un plan qui a la faculté d'être logique sans être coloré par l'émotion. Et un contact avec le plan supramental, l'intelligence instantanée, l'intelligence active, les deux ensemble engendrent une espèce de perturbation qui peut porter le nom d'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée est aussi connu comme étant un instructeur de neuf. On pourra le connaître comme étant un instructeur de mystère. C'est-à-dire que tout ce que l'humain ne connaît pas, c'est l'ajusteur de pensée qui peut lui amener ces phases neuves de sa conscience. Alors, nécessairement, ça peut expliquer à l'ego des choses que l'ego veut savoir. Par exemple, je désire ceci, je suis un gros scolaire, puis à un moment donné, il va y avoir comme une prise de conscience chez moi qui va, je vais me dire, l'ajusteur de pensée ne parle pas dans votre tête, je vais me dire, maudit, c'est-tu niaiseux, je suis tarlache, je suis bon. L'ajusteur de pensée vient ajuster l'expression émotive. Et lentement, l'ajusteur de pensée finit par forcer l'humain à découvrir des choses neuves. C'est l'ajusteur de pensée qui est le premier contact réel entre l'homme et quelque chose que l'ego, anciennement, enfin théologiquement, appelle les forces divines ou l'Esprit Saint, l'esprit non coloré par l'homme. Un maître se maîtrise, mais la maîtrise est maîtrise des mémoires. Pas de transformation. On doit donc ne plus se maîtriser. C'est un fait. Lorsque je parle de maître, nécessairement, je m'adresse à une structure mémorielle de langage pour qu'on parvienne à communiquer. Comme tout à l'heure, je disais, celui qui dit « je suis », il n'est déjà pas. Or, le maître, pour lui, il n'est pas un maître, c'est-à-dire qu'il s'en fout, il est instantané. Il est une personne tout à fait anégoïque, qui n'a plus d'ego. Une personne qui passe son chemin, qui vit sa vie, qui voit les choses, qui transforme les choses, qui travaille pour ce qu'elle a à faire et qui nécessairement n'est identifié à rien de l'extérieur comme à rien de l'intérieur. Les Mongols ne vieillissent pas et pourtant ils sont très émotifs. C'est donc l'interprétation de l'émotion et non l'émotion qui ferait vieillir. Le Mongol exprime de l'émotion, mais le Mongol a un problème au niveau du système endocrinien. Et son système endocrinien lui permet de ne pas vivre d'une mémorisation continuelle de l'émotion. C'est-à-dire que le Mongol, en passage, on ne parle pas évidemment de ceux qui restent en Mongolie, on parle de ceux qui naissent avec un caractère génétique, un gène de trop. Donc on parle des enfants mongoloïdes, de la majorité des cas, et qui à 40 ou 50 ans paraissent encore très jeunes, et bien souvent. Qu'est-ce qui va les faire vieillir? Soit éliminée, tant qu'elle n'a pas consciemment consenti à évoluer par l'amélioration, tant qu'elle se laisse évoluer par les conditions de la vie, l'évolution spirituelle, l'évolution souffrante, l'évolution émotive, puis à un moment donné, on la rejette parce que normalement, les enfants continuent. Alors, le Mongol, lui, va vivre, va exprimer des émotions, mais les émotions, son système endocrinien n'étant pas le même que celui de l'homme conventionnel, et surtout, le processus réincarnatif à l'intérieur du Mongol n'est pas connecté à un réservoir continuel, c'est-à-dire que dans la majorité des cas mongoloïdes, il n'y a pas de réincarnation 24 heures sur 24, ce qui fait qu'il n'y a pas d'âme réelle qui se nourrisse comme l'être humain le fait de phénomènes. Le Mongol peut apprendre à souffrir, mais si on ne lui montre pas, il ne souffrira pas. Le maître qui s'identifie à un maître est-il inidentifié? Le maître qui s'identifie à un maître est un andouille. Pourquoi la mémoire et les émotions font-elles partie de nous? Bref, explication de leur rôle. Alors, j'ai fait une conférence sur le rôle de l'âme, le rôle de l'ego. Ça explique énormément. Pourquoi la mémoire et les émotions font-elles partie de nous? C'est encore l'inverse. C'est nous qui faisons partie des mémoires et de l'émotion. La personne qui pose la question, bien souvent, dans une question comme celle-ci, c'est la mémoire qui pose la question. Et c'est pourquoi la personne a rarement la réponse. Pourquoi la mémoire et les émotions font-ils partie de nous? Je explique brièvement encore une fois. Le fait Le premier rôle de l'homme est de conduire son corps physique. L'être humain est habité par de l'émotion de façon à conduire le corps physique, conduisant le corps physique par ses désirs, ses émotions, ses peurs, ses craintes et ses plaisirs. Il exprime une vibration amique dans le corps physique par le système endocrinien. Le système endocrinien vient massacrer le corps physique et lentement opère des mutations génétiques qui transmettent l'amélioration, c'est-à-dire la condition que vivra le corps de supporter encore plus la souffrance de l'expression amique, donc de l'expression intelligente, parce que l'âme est en vibration plus haute que le corps physique, donc des vibrations plus hautes. Étant donné que l'être humain se promène continuellement à travers sa vie manipulé par le phénomène amique, il sécrète des hormones en masse, expression émotive, bénéfique ou maléfique, et il mute le corps physique. L'être humain, pour que cela se fasse, la mutation physique finit par engendrer des corps qui peuvent supporter plus de conscience sans être malades, sans être troublés, qui peuvent soutenir plus longtemps une réflexion grandissante, qui peuvent soutenir plus longtemps un instant de neuf, ce que le passé ne peut pas faire. Le désir, la mémoire, l'émotion, elle permet à quelque chose qui habite le corps de comparer et de diriger le corps. Wow! Puis tu y vas. Ça sert à ça. Et il y a un petit bout de conscience là-dedans qui, lui, n'attend que son heure pour prendre possession du corps lorsque le corps sera suffisamment solide. Mais nécessairement, pour que ça fonctionne, il faut que tout le processus de l'âme ait l'impression d'avoir un libre-arbitre. Il faut qu'il se dise, ben, crime, je vais y aller. Hey, m'as-tu essayé? Pour qu'il puisse vivre la déception. Et la déception engendre encore un processus d'expression hormonale qui vient encore muter le corps. Et c'est pourquoi il y a de l'émotion et tout ça. Intéressant, l'homme. Fascinant. Dans ton livre, tu écris qu'un enfant futur tyran comme Hitler doit être tué. Explique. Ben, ça dépend, évidemment. C'est sûr que si on est sûr qu'il va gagner. Ce que je dis simplement dans le livre La différence, n'est-ce pas? C'est que si une personne qui a une conscience instantanée et supramentale rencontrerait un enfant qui va devenir un tyran majeur et qui exterminera des millions d'individus, si notre homme nouveau, comme j'explique dans le livre, sait très bien que le rôle de cet enfant est inutile, à part le massacre, eh bien, qu'est-ce que ferait un homme nouveau à l'intérieur de cette mécanicité? Eh bien, il tuerait l'enfant. Qu'est-ce que ferait l'homme ancien? Bien, l'homme ancien, même s'il serait sûr que ça va devenir un tyran qui va tuer des millions d'individus, l'homme ancien, il va simplement essayer de l'éduquer, de le changer, de le transformer, et ça ne marchera pas. Il le sait, mais il va quand même vouloir le faire. Et lorsque l'autre va devenir un tyran et massacrer des millions d'humains, eh bien, notre homme ancien va pouvoir aller dormir en se disant, « Ben, en tout cas, j'ai fait mon possible. Bon. » Alors, je ne dis pas qu'un homme nouveau va tuer un enfant. Bon, j'expliquais simplement l'idée de comment fonctionne la conscience de l'homme ancien et je donnais un paramètre de comparaison par rapport à un homme nouveau. Par contre, l'homme nouveau qui sait qu'un enfant va devenir un tyran sait aussi que même s'il le tue, si tyran doit y avoir, un autre tyran va venir au monde. Alors, il ne tuera pas d'enfant. Sauf qu'il ne sera pas culpabilisé, mais je parlais du processus de l'homme ancien qui va tout faire pour changer la chose. Je parlais d'un enfant qui était cute, évidemment, là. Pas un enfant qui l'est. C'est plus facile à tuer, souvent. Ben oui, on regarde une émission, on regarde un film, on voit une fille qui fait du ski, puis là, elle se casse la gueule, elle est infirme le restant de ses jours. Dans le cinéma, on entend, « Hey, c'est-tu dommage, une si belle fille? » Voilà, ça serait laid, ça ne serait pas dommage. Bobino est mort. Notre tour s'en vient. Il est temps qu'on fusionne. Bobino aurait-il achevé son double sans fusionner? Ou quelqu'un qui a son double fusionne nécessairement? Alors, Monsieur Sanche, c'est pas Bobino avait son évolution à lui. Une personne qui est en train de constituer son double éthérique, c'est encore un processus que j'explique énormément au niveau du séminaire. Et pourquoi je parle du séminaire, je vous répète pourquoi, c'est que les personnes qui viennent en conférence depuis très, très, très longtemps, à un moment donné, ils ne venaient plus. Ou faites le séminaire pour régler quelque chose. Parce que quand on vient souvent, c'est qu'il y a un besoin. Et les explications de conférence, ça réveille des choses. Mais les solutions, c'est surtout au niveau du séminaire qu'on va y rencontrer. La personne qui crée un double éthérique, elle devient égoïque. Et plus elle s'en égoïse, plus elle crée un double éthérique. Si son corps physique n'est pas capable de supporter la continuité ou l'usure par rapport au temps, il va vieillir selon le standard prévu par la génétique. Parce que l'homme n'est pas capable de se mettre au monde lui-même, donc il n'a pas cellularisé la partie génétique qui enclenche le vieillissement et finalement la mort. Lorsque l'être humain cellularise ça, plutôt que de cellulariser le trip sexuel ou le ceci ou le cela, hein, s'il cellulariserait, s'il irait transformer, muter la partie génétique qu'il élimine à un moment donné, il pourrait continuer à vivre et là, il amènerait son corps avec lui dans sa mort. Terme très relié au langage des oiseaux. Lorsque notre personne a un double éthérique qui n'est pas suffisamment constitué, elle meurt. Et lorsqu'elle meurt, elle va dans le monde moronciel du point de vue de son âme. Et l'âme, si l'âme est suffisamment égoïque, il y a plus d'énergie vitale dans l'âme que d'énergie astrale. Elle, cette énergie vitale, va reconnaître le double éthérique et va aller se fusionner dedans. La personne devra se réincarner, mais elle se réincarnera sachant qui elle est, ce qui n'est pas le cas de la majorité des humains. La personne qui a trop d'âme, qui a trop d'ego encore dans son âme et qui a commencé la création d'un double éthérique, elle va gagner le monde de la mort, se digérer dans le monde de la mort selon les processus de la réincarnation pluralitaire, et elle va se réincarner à un moment donné, et plus tard, le double éthérique, à moitié constitué, servira encore une fois au même bribe, au même phénomène mémoriel de cette personne-là, ou quelqu'un d'autre pourra se l'accaparer pour pouvoir continuer à fabriquer le sien. Un égo ogre, c'est un égrégore. C'est un ressort, oui. Un énergivore, il bouffe de l'énergie. Est-ce qu'un égrégore peut être mental? L'égrégore peut être mental, mais un égrégore mental est toujours placé dans l'astral. C'est-à-dire qu'un égrégore, c'est de la mémoire. De la mémoire, c'est dans l'astral, le monde de la mort. L'égrégore mental est de la mémoire mentale. Donc, si nous disons des choses mentales, c'est mémorisé, c'est une mémoire mentale. Si nous disons des choses émotives, c'est mémorisé, c'est une mémoire émotive. Un égrégore peut être mental, mais il reste fixé dans le monde de la mort, donc dans le monde astral. Sommes-nous des spectateurs, c'est très intéressant, ou des spectateurs? C'est bien ça, là, je sais pas, il y a du monde qui se travaille dedans, non? Un spectre, c'est un fantôme, un spectateur, n'est-ce pas, c'est un fantôme qui acte, ou un spectateur, c'est lui qui regarde. Nous sommes des spectateurs. Nous sommes ceux qui faisons et ceux qui observons. La conscience, elle observe, mais elle n'a pas la faculté de s'exprimer encore par le corps physique, parce qu'il y a trop de résistance de la part des mémoires, de la part de l'âme. Mais il observe. Et de temps en temps, une petite bribe passe, quand vous ne pensez pas, des petites informations qui passent. Du moment que ça passe, vous vous dites « wow », puis là, vous commencez à penser là-dessus. Il y a des personnes qui ont des illuminations, à un moment donné, dans le passé. Une illumination, 15 secondes. Ils ont passé leur vie à en parler. Hey, imaginez-vous, au lieu de continuer à vivre de ce genre de source, ah ben maintenant que tu l'as expérimenté, tu es au bout de t'en parler à tout le monde, tu écris des livres là-dessus, tu essaies juste d'y revenir. Quand tu as eu ton illumination, Saint-Machin, tu ne t'attendais pas à l'avoir. Maintenant que tu l'as eu, tu fais tout pour la ravoir. Tu es déjà dans un état différent. Là, tu t'attends. Avant, non. Elle t'a pris des culottes baissées. Maintenant, ben, pour lui faire honneur, tu gardes tes culottes levées et tu n'as plus d'illumination. Comment faire pour ne pas tomber dans le piège de l'identification lorsqu'on veut se désassujettir d'une manipulation collective? Exemple, on me demande d'aller à tel endroit avec d'autres et je réponds non, je n'aime pas aller là. Il y a un processus qu'on doit bien comprendre dans tout phénomène de conscientisation, donc d'évolution améliorative. C'est que nous sommes pluriconstitués. Il y a chez nous de la mémoire. Une mémoire qui a la faculté de s'exprimer par le corps. Donc, il y a chez nous de l'âme, et l'âme a la faculté de contrôler le corps. Il y a de l'esprit, de l'intelligence. Je ne parle pas de l'intellectuance conventionnelle, je parle de l'intelligence. L'intelligence, elle sait. Elle ne réfléchit pas pour savoir, elle sait. Ça, c'est intelligent. Celui qui réfléchit, il est intellectuel. C'est de l'intellectuance. C'est utile. La personne qui a de l'esprit, nécessairement voit chez elle l'apparition d'un autre phénomène, le phénomène espritique. Et il y a le corps. L'esprit doit parvenir à devenir le seul maître contrôleur du corps physique. Donc, le phénomène supramental doit arriver à prendre le contrôle du système endocrinien, donc du système thalamien, le thalamus, et hypothalamien, l'hypothalamus. Cela va se faire par le réveil en vibration et en résonance d'une glande cérébrale, la glande pinéale. Mais lorsque l'ego veut quelque chose, lorsque l'ego souffre de quelque chose, lorsque nous voulons nous conscientiser et lorsque nous voulons changer, nous devons faire attention à ces mémoires. Parce que ces mémoires ont la faculté de s'exprimer dans le corps. Il y a énormément d'êtres humains qui, à un moment donné, veulent changer radicalement et deviennent malades. Quelque part, quelque chose chez eux dit, « Bon, tabarnouche, tu m'auras pas. » Et ça s'exprime d'une façon pathologique, d'une façon débilitante. Alors, on doit continuellement savoir que dans le début d'une démarche, on doit instruire notre ego. Comment faire pour ne pas tomber dans le piège de l'identification? Bon, on me demande d'aller à tel endroit avec d'autres, je réponds non, je n'aime pas y aller. Est-ce que je ne veux pas y aller parce que je n'aime pas y aller, ou si je ne veux pas y aller parce que c'est collectif, toute la gang y va? Dans le genre, moi, je tourne à gauche ou à droite, je ne le sais pas, j'attends. Tout le monde passe à gauche, ah, je tourne à droite. Mais je suis aussi collectif qu'eux autres, parce que c'est la collectivité qui détermine mon mouvement. Par contre, si la personne n'aime pas aller à une place, c'est que quelque chose d'expérientiel, donc de mémoire chez elle, n'aime pas la place. Et de temps en temps, la conscience mentale ou supramentale doit donner le suçon à l'ego. Donnez-vous un peu de plaisir, donnez-vous un peu de chance. Commencez par refuser le malheur. Le bonheur, on verra après comment l'ôter. Mais commençons par refuser le malheur. L'individu qui, du jour au lendemain, veut éliminer tout ce qui est tributaire des créatures temporelles, risque d'avoir un ennemi majeur, l'anti-homme qui l'habite, c'est-à-dire tout ce qui, cristallement, fait en sorte de lutter contre ce qui engendre la mémoire, l'esprit. Alors, l'humain doit faire attention, parce qu'il y a des personnes qui se disent, « Bon, alors moi, je vais faire telle chose, puis ils se cassent la gueule, physiquement. » Ou se casse la jambe. Alors, on doit faire attention. On me demande d'aller à tel endroit avec d'autres. Je réponds non, je n'aime pas y aller. Est-ce que c'est parce que je ne veux pas être collectif ou si c'est simplement parce que je n'aime pas y aller? Il y a une nuance, plutôt. Est-ce répondre aux exigences sociales en présentant notre identité tout en étant conscient que nous sommes hors de date identifiée, hors de cette identité nous affecte? Exemple, il faut présenter notre curriculum vitae, nos cartes d'association, etc. Moi, lorsque je demande un emploi, je ne présente jamais mon curriculum vitae. Je me présente moi. Si moi, je ne plais pas au gars, mon papier, même s'il plaît, je suis convaincu qu'il m'aura des problèmes avec lui à un moment donné. Tu dis que si tu te grattes le nez, c'est parce que ton précurseur l'a fait. Alors, comment se fait-il que mon précurseur pose une question à ton précurseur? Il y a donc une infinité de précurseurs non précursants. Si mon précurseur était divin, il n'y a pas de quoi admirer la divinité. Si nous sommes les traces d'un précurseur et comme nous n'avons pas de libre arbitre, comment peut-on procéder à une attente active qui n'est pas du fatalisme défaitiste? Si un projet échoue, est-ce le résultat du monde astral ou était-ce un anti-archangélique? Ou était-ce anti-archangélique? Bon. Alors, Grégoire, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'identification d'un phénomène très localisé, on ne peut pas, dans une conscience, comprendre la prolifération des phénomènes temporels. Le précurseur qui est passé avant, lui, a engendré dans l'instantanéité d'une création qui, finalement, n'a jamais eu lieu, mais il reste la mémoire du phénomène qui s'est étirée parce que le temps est élastique et l'espace aussi, et ça l'engendre un phénomène multimillénaire dans lequel nous pataugeons. Lui n'a que laissé des traces mémorielles et il a laissé une bribe de conscience dans la trace mémorielle de façon à ce que la bribe de conscience vienne agencer la cadence du défoulement mémoriel et vienne agencer par le biais du phénomène archangélique la restructuration, la récupération d'une façon orchestrée de toute la mécanicité réactionnelle. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que si je me gratte le nez, c'est que dans le temps, je vais me gratter le nez. Et parce que ma conscience cheminait à travers mes mémoires, j'arrive au point où je me gratte le nez, et bien je suis conscient que je me gratte le nez. Bon. Si je continue à avancer, je ne me gratte plus le nez. Une personne qui se fait pincer, elle arrive dans la conscience où elle sent la douleur. Ça pince. Et pourquoi on a mal? Si à chaque fois qu'on le sent, c'est passé, on n'a pas mal, on n'a pas le temps d'avoir mal. Mais là, ma conscience, elle mémorise, parce que je suis de la mémoire, elle mémorise la souffrance du passé auquel s'additionnent toutes les consciences instantanées de la souffrance qui continue, ce qui engendre l'irritation et ce qui engendre les problèmes de souffrance chez l'homme. Lorsque Grégoire va être capable, et ça va venir à un moment donné, de pouvoir, au niveau de la conscience neuronique, supporter plus de détendu au niveau temporel, eh bien, le phénomène des précurseurs va se régler. Le précurseur que je parlais lors de cette conférence début janvier, c'est un précurseur mémoriel. Moi, en tant que conscience instantanée, intelligente, je ne me suis pas gratté le nez, je n'avais pas le nez à gratter. Mais la structure mémorielle dans le canal dans lequel j'ai décidé d'embarquer, elle se gratte le nez. Alors, je me gratte le nez. Oui. Oui, Daniel, il y a un phénomène qui vient de se produire. L'avortement est rendu légal. Yeah! Oui. Là, j'aimerais voir si le peuple, penses-tu, il va diminuer? J'aimerais ça t'en parler un peu. Bon, dans la conférence de Québécois, une race à part, PART, j'ai expliqué cette mécanicité. L'avortement, c'est un phénomène intéressant qui permet simplement à ceux qui jouent trop avec le feu de l'éteindre. Nécessairement, si dans quelques années, nous nous retrouvons avec 4 millions de Québécois au lieu de 8 millions, il y aura moins de Québécois. C'est un processus mathématique. Par contre, l'être humain doit cellulariser sa vie. Et le Québécois est une race, c'est-à-dire que c'est dans cette région et dans cette génétique surtout, que va naître le plus de conscience supramentale, donc de conscience instantanée. Et pour cela, nécessairement, nous devons engendrer des corps physiques qui seront plus puissants à la naissance que ce que normalement il est engendré. Et pour cela, la majorité des individus ne doivent pas avoir des enfants jeunes. Ils doivent vivre. Vivre, ça veut dire cellulariser l'évolution. Donc, ils doivent attendre 30 ans, 35, 40, 45 ans, même 50 ans avant d'avoir des enfants. Il y a un problème au niveau du contexte féminin, normalement, dépassé 40 ans, on peut avoir des enfants mongoloïdes. Mais ça, c'est pour les personnes anciennes, c'est-à-dire que ça ne sera pas continuellement comme ça. Alors, lorsque nous vivons un contexte social, démographique, où les jeunes qui aiment les enfants n'en veulent pas, parce qu'ils veulent vivre leur vie avant, c'est qu'inconsciemment, ils sont manipulés par des archétypes suffisamment orchestrés par de l'intelligence, et ils vont attendre. Donc, il y aura un laps de temps au niveau du Québec où il y aura une pénurie d'enfants, ce qui va premièrement créer un siphon pour attirer les Québécois qui sont nés dans d'autres races, dans d'autres corps, sur d'autres pays, à venir au Québec, et ce qui nécessairement va permettre à l'évolution génétique de l'homme de pouvoir légèrement se changer avant d'avoir des enfants. Et faites-vous-en pas, les enfants vont en avoir en masse après, disons, vers l'an 2000, quelque chose. Et là, ça va recommencer à pulluler. Pas à pilluler, n'est-ce pas? À pulluler. Qu'est-ce qu'on fait ici à accumuler de l'expérience? Quel est notre but, s'il y en a un, dans l'intelligence? Instruire son ego. C'est ça que l'homme fait lorsqu'il accumule de l'expérience. Et si la personne pose la question par rapport à ce soir, qu'est-ce que je fais ici en conférence à accumuler de l'expérience? J'instruis l'ego. L'instruction de l'ego est un processus supramental et l'instruction de l'ego est ce qui permet de néotyper, c'est-à-dire de transformer un vieil ego, un féru de tradition, donc archétypé, c'est pas bourré de vieilles formes. Cela permet de lentement le néotyper, le transformer pour qu'il puisse envisager du neuf. Et le neuf qu'il devra envisager, c'est que lui n'est rien d'autre que de la mémoire, ce qui est déjà extraordinaire, mais ce n'est pas quelque chose d'intentionnel. L'homme mémoriel n'est pas intentionnel, il n'a pas de libre-arbitre. Et lorsque l'on vient des conférences, lorsque l'on écoute la télévision, lorsque l'on vit, il s'accumule suffisamment de mémoire pour obliger la gestion des désirs et de l'émotion, ce qui engendre l'illusion et la désillusion au niveau hormonal, au niveau donc de l'âme, ce qui s'exprime par le corps physique, mutant le corps physique. Et à travers cela, il y a la préparation mutatoire cellularisante du corps physique qui finalement finit par pouvoir supporter un peu plus d'intelligence. Supporter un peu plus d'intelligence, là on commence l'instruction d'ego, c'est-à-dire la démolition d'ego. Quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui n'a plus d'ego. Pourquoi si tu n'as pas d'ego? Au début de la conférence, on entend une musique annonçant presque la venue d'un roi. Oh, ben, je ne sais pas si les rois avaient ce genre de musique, remarquez bien. Mais une chose certaine, c'est que le centre de l'universalité, n'est-ce pas, ça ne me regarde pas, ça regarde eux autres, il y a des questions de temps en temps qu'on devrait leur poser à eux autres. Eux autres prétendent que lorsqu'une personne achète une cassette, c'est plus agréable lorsqu'elle entend une musique, ça l'avertit que ça commence, puis une musique, ça l'avertit que ça finit. C'est pour ça. Mais si on peut faire des commentaires au centre, une petite boîte en bas, là, mettre des suggestions. Comment devenir un maître dans une société où l'école, on t'oblige à mémoriser? Ben, on fait comme moi, hein? On fait l'école d'asphalte. Il n'y a plus de buissons, je le dis souvent. J'aimerais que tu nous parles d'Alexandre Lachance. Tu avais dit que tu ne pouvais nous en parler avant 40 jours. Les 40 jours sont passés. Effectivement, j'en ai parlé dans une conférence. 40 jours après. On va y revenir un petit peu, là, si on a le temps. Je sais, lorsque je mémorise un événement, et je ne peux plus m'émerveiller après, car je ne peux arrêter d'y penser. Quel est ce phénomène? Mais c'est ça, mourir. Alors, la personne, elle a absolument compris, lorsqu'elle mémorise un événement, elle ne peut plus s'émerveiller. Ça va de soi. La première fois que j'ai vu un papillon, j'ai trouvé ça génial. Maintenant, quand j'en vois, je les chasse. Mais c'est ça. C'est ça, mourir. Puis être capable de voir. La vie devient plate, c'est évident. On l'a tellement dans notre tête, puis on vit tellement en arrière, on marche comme ça. Alors, nécessairement, ça crée un problème. Si j'oublie le papillon, chaque fois que je verrai un papillon, je serai emballé par le papillon. Si j'ai compris, l'événement ne m'appartient pas. Mais lorsque je m'identifie encore, l'événement m'appartient pour pouvoir comprendre et instruire l'ego. Peux-tu commenter? L'événement n'appartient à personne. Vous avez un pneu qui crève, c'est le plan de vie de votre pneu de crever, pas le vôtre. Votre corps devra changer le pneu, parfait. Votre corps change de pneu. Vous devez, et vous habitez le corps, vous devez donc être dedans pendant qu'il change de pneu. Puis après, le rôle de la conscience de l'homme est d'améliorer son corps. L'homme ne fuit l'expérience qui cellularise, c'est-à-dire... L'homme veut revivre le même genre de stimuli, mais l'homme refuse totalement d'aller, par exemple, camper en plein hiver ou de temps en temps passer 3 semaines de vacances dans le bois avec presque rien. Là, l'homme, qu'est-ce qu'il se dit? Voyons donc, pourquoi vous avez tant de misère? C'est pas de la misère. Tu te changes. Alors, vu que l'humain ne le fait pas, de temps en temps, on vient lui donner une petite guerre ou un petit tremblement de terre ou une crise économique ou encore il tombe en panne dans un parc ou il se perd ou bon. L'homme n'a pas la faculté de vouloir, de par l'ego, vivre des choses neuves. Lorsque l'homme voyage, la majorité de ceux qui voyagent, voyagent dans des agences de voyage. Et certains vont dire, « Ah non, non, moi je ne fais pas ça, ça ne change rien. Hein? » La majorité voyage dans des agences de voyage. C'est sûr qu'une personne qui veut juste se dorer la bédaine au soleil, elle embarque dans telle agence de voyage, puis là on l'envoie se dorer la bédaine au soleil. Par contre, il y en a d'autres qui vont simplement acheter leur billet, se ramasser là-bas, fouiller un hôtel, en bas le guinéum, puis ils vont quand même se dorer la bédaine au soleil. Par contre, ils partent avec le degré de risque. Et c'est celui-là qui cellularise l'humain, qui le change. L'humain a tout sans problème, ça va. Mais là, l'humain va arriver à un moment donné, puis il n'y aura pas d'hôtel. 2 jours couché sur la plage, avec les poux de sable, puis les Mexicains peut-être. Bon. Et là, il va dire, je recommencerai plus. Mais non. C'est ça l'initiation. C'est là qu'il apprend. Alors, l'humain ne veut plus recommencer comme ça. Il devrait recommencer comme ça. L'événement n'appartient pas à l'homme. L'homme traverse dans sa conscience un événement. Et étant donné que l'événement n'appartient pas à l'humain, l'humain ne peut pas le changer. L'humain va dire, ben, je l'ai changé, moi, j'ai réservé mon hôtel. C'était prévu. C'est tout, c'était prévu. Si ça aurait été prévu que tu couches dehors, tu n'aurais pas pu réserver ton hôtel. Les hôtels à radio étaient pleins. En ce moment, je suis en cours d'anglais. C'est pas grave. Et je me trouve à avoir beaucoup de difficultés à me rappeler, à me concentrer. Donne-moi un truc. Une langue, ce n'est pas quelque chose que l'on doit mémoriser. C'est quelque chose que l'on doit vibrer. J'ai été à l'école... de cet auteur-là à cet auteur-là, Et on m'a essayé de m'enseigner l'anglais. Je n'ai jamais pu apprendre l'anglais. Parce que je ne voyais pas de raison intelligente d'apprendre l'anglais. Et on avait déterminé que je n'étais pas doué pour les langues. En tout cas, le français, je le maîtrise bien. Et à un moment donné, je me ramasse au Guatemala. Après une semaine, je parlais suffisamment l'espagnol et j'ai fait des conférences. Pour un gars pas doué, c'était pas pire. Et là, les intellectuels, ah oui, mais l'espagnol, c'est comme le français. J'en connais qui suivent des cours d'espagnol et qui ont tant de misère à apprendre l'espagnol que le français. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut le vibrer. Il est bien évident que si je veux apprendre l'anglais, je dois immédiatement penser en anglais. Pas mémoriser l'anglais. Je n'ai jamais mémorisé le français. J'ai pensé en français. Et voilà le truc. Penser. On dit toujours de vivre ses émotions. Eh oui, mais on dit ça. C'est les émotifs qui disent ça. Comment les vivre tous en signe identifiant? On ne vit pas nos émotions. L'émotion est un événement. Alors, lorsqu'à un moment donné, je sens un être chez moi une émotion particulière, je la sens comment? Le corps physique commence à l'exprimer. Eh bien, je l'observe. Ce n'est pas moi. Alors, je viens pour rentrer dans un bureau, je tremble, je transpire, je suis rouge, et parce que je dois rencontrer quelqu'un que mon ego veut me placer d'important. Bon. Alors, je rentre là-dedans tout tremblant, puis j'ouvre la porte, puis je shake, puis je rentre. Puis, moi, ma conscience, est-ce qu'elle a besoin d'être manipulée avec ça? Oh, alors, le cadre, il shake. Qui shake le cadre? Je vais rentrer pareil. Bon. Là, je vais en serrer la main au bonhomme, j'y serre à peu près. Puis c'est un gars qui est bien égoïque, je me suis dans un gros fauteuil qui dégonfle lentement, mais tu sais, là, le bureau mort. Puis après, le gars me parle comme ça en haut du fauteuil, puis là, je suis tout petit en bas. Mais non, c'est juste visuellement, je suis pas plus petit que lui. Ça change rien. Ça change foutrement rien. Je veux parler, je me mets à bégayer. Ben, qui m'écoute bégayer? Puis quand je m'en vais, ben, je m'en vais, c'est tout. S'il pense que je vais mettre un balai dans le derrière pour nettoyer son bureau en sortant, non. Moi, je m'en vais. Puis si j'ai manqué mon entrevue, qu'est-ce que vous voulez? Je suis encore dans un corps qui est inhabile. Mais si je rentre comme ça, là, je cellularise en maudit. Et surtout, je ne m'identifie pas mes problèmes à ce que l'humain appelle ses problèmes. Ce n'est pas moi qui est souffrant. Ce n'est pas moi qui a des problèmes de peur, d'angoisse, d'inquiétude. Ce n'est pas moi qui désire. Ce n'est pas moi qui vis tous ces stress de l'évolution. Ce n'est pas moi. Je suis dans un véhicule mémoriel qui, lui, doit traverser ces choses-là. Et mon rôle à moi, c'est de faire en sorte qu'il ne les traverse plus. C'est-à-dire qu'on accomplisse une finalité puis qu'on élimine la chose du temps. C'est-à-dire que mon rôle à moi est de prendre une créature spatio-temporelle et de la rendre instantanée. Ça, c'est mon rôle. Mais ce n'est pas mon rôle à moi de m'identifier à ces misères. Oui, non, il est mais gelé. C'est normal, il fait moins 30, puis le calme, il sort sans mitaine. Mais c'est pas moi, ça. Moi, j'ai pas besoin de me dire, ah merde, la prochaine fois, je vais faire. Tu m'en pas. Mais la prochaine fois, il va-tu en mettre? Oh oui, il va en mettre. Pourquoi? Parce que je trouve absolument idiot de devoir passer 15 minutes à les réchauffer et à penser que la peau s'enlève. J'aimerais autant ôter les mitaines que la peau. Je n'ai pas besoin de vivre, de m'identifier à ce qui se passe. L'événement ne m'appartient pas non plus. Je m'en vais, il y a un accident, mon auto est magané, mon corps est peut-être blessé. Puis après, moi, je reste ce que je suis. Ce n'est pas le corps qui vient m'altérer. L'ego aura des problèmes là-dedans, la structure mémorielle. Elle voudra dire, oui, mais pourquoi ça m'est arrivé? Puis ce serait mieux si ta-ta-ta-ta va perdre ça, etc. Lui, il fait son cheminement. Moi, je suis dedans. Moi, je suis mon seul maître. Et le petit qui est là, eh bien, je suis là pour le régir. Je suis son recteur. Alors, je vais l'observer. Hein? Je ne commence pas par rentrer dedans tapant dessus. Il ne comprend même pas que ce qui lui arrive pas. Alors, en plus, il ne comprendra pas ce que je vais lui dire. Alors, je le laisse le vivre. Je l'observe. Il est dans le lit, puis il broye. Puis là, on le déshabille devant tout le monde. Puis là, on le lave. Puis là, lui, il a toujours pensé que ça, hein, c'était bon. Et puis là, on vient y mettre un plâtre. On l'étire, on le tripote un peu. Puis là, il est dans le lit, le plâtre accroché en haut, puis quand il a besoin d'éliminer certaines choses, eh bien, il faut qu'il sonne la petite cloche, puis là, l'infirmière, elle vient, puis elle tire les rideaux, puis elle met le plâtre, puis tout le kit. Puis là, ben, l'ego, vit quelque chose. Est-ce que c'est nécessaire que tout l'être humain passe par là? C'est dans le lit, le corps est dans le lit, le corps doit faire des excréments, et puis après, la conscience qui habite l'âme ne doit pas s'identifier à ces choses-là. Que l'ego le vive, qu'il le vive, c'est sa job. Ma job à moi, c'est de l'observer, et ma job à moi, c'est lentement de le restructurer, de le néotyper, de l'instruire. Et lentement, l'ego va finir par trouver tout à fait convenable que c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il se passe rien là, et lentement, l'ego va se retourner vers ce qu'il a toujours recherché, quelque chose de supérieur à lui, l'instantané, ce qu'il a créé. Parce que c'est l'instantané qui crée l'événement, et l'événement, c'est la mémoire. Alors, lentement, on règle le problème. Bon, c'est ce qu'il faut faire. Eh bien, donc, il y a d'autres questions. On pourra peut-être y revenir la semaine prochaine sur devenir un être contrôle. Alors, à un moment donné, si on veut cesser de se faire charrier à tout bout de champ par le processus réincarnationnel, en comprenant la procédure, on peut arriver à changer un peu son mode de vie de façon à ce qui nous arrive dans la tête soit plus en conformité avec ce qu'on a besoin au niveau d'intelligence. Alors, je suis en bas. Ceux qui veulent venir jaser un petit peu, c'est les bienvenus. En attendant, bonne semaine. Faites attention pour vous faire heurter par un flocon de neige. C'est donc un rendez-vous pour la semaine prochaine à la conférence de Daniel. Je vous rappelle que à la table...